bien, j'rappe cru, j'pénave rabouin, j'rappe ma rue. Rien de bien exceptionnel, rien que tu n'aies jamais entendu. Rien, jamais rien fait pour être connu. Juste pour que mes textes aient un peu de contenu. J'vis ici où c'est décrié, où les mots sont chroniques, l'oubli, l'ébriété, trop dédaigné. Trop indigné ou résigné, alors qu'on compte plus tous ceux qui se sont saignés pour notre pays. Ouais. Beaucoup d'émigrés, trop dénigrés, par de trop simples clichés. On nous a mis des barrières, barrages et barricades, dans d'embuscades. Peur que leur pari crâne, ils ont goudronné leur pavé. Expulsés les ouvriers, ils nous ont tous entassés. Aujourd'hui, tous entachés d'une putain de réputation. Banlieue égale explosion. Aurait-il peur de la fatale collision? Sentiment d'être esclave, rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, va y avoir courage. Sentiment d'être esclave, rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, peut y avoir courage. Vache que tout va bien, que le maintien de l'ordre est assuré, qu'il n'y a plus qu'à faire de l'entretien. La mère Denis est devenue le père Nico, pour sûr. Il va nettoyer, mais quand vont-ils guérir nos maux? Penser nos blessures, penser qu'on est sûr. La même planète, même si pour eux on est que moisissure. À trop nous mépriser, à trop nous enfoncer. À trop carchériser, les fissures sont devenues faussées. Qu'enfoncer, tête baissée, reste la seule façon d'avancer. Quand les regards sont froncés, les égards forcés. Quand on nous fait croire que les mots ont dépassé la pensée. Il n'y a plus qu'à divorcer, tu sais. Quand les faiseurs de chien-lit sont devenus racailles, qu'on ne respecte plus les siens, qu'on ne parle que de représailles. Quand promesses et feux de paille sont en parfaite cohésion, on risque la fatale collision. Sentiment d'être esclave ou rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, va y avoir courage. Sentiment d'être esclave ou rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, peut y avoir courage. Au lit à ma fenêtre, merde. Je repave avec un goût amer ce pays qui m'a vu naître, ici où la chasse aux sorcières et de tradition comme si l'indigent, l'étranger était le sens, l'explication au mal de la France, mais qui a créé ces barrières, nous bloquant en bas, nous traitons de paria, ne voulant faire de barrières, en disant que tout nous incombe, mec, arrête de penser qu'à ta carrière. En lâchant plus de foudre que de colombes, nos minces espoirs disparaissent, nos quartiers deviennent catacombes. On nous fait place, l'amertume ou la faiblesse de croire qu'ici on n'est que des ombres. Pourtant on sait que les coups de bâton ne tiennent qu'à temps. T'attends quoi de nous qu'on reste comme ça les bras ballants? T'entends rien ou quoi? Mais après une verbale explosion, on risque la fatale collision. Sentiment d'être esclave ou rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, va y avoir courage. Sentiment d'être esclave ou rat de cave. Ils nous aiment braves, graves, voire poucaves. Nous traitent comme des tchouks sur nos saragas. Attention, peut y avoir courage. Rat de cave.